17 septembre 2017. Non, l'impact n'est pas éliminé. Il y a encore certaines probabilités. Mathématiques, peut-être. Prendrait un miracle. Mais quand même, ce soir, on pleure. Ce soir, on pleure la mort. Ce soir, on pleure la mort de l'espoir. L'espoir d'avoir un autre finale de conférence de l'Est Montréal-Toronto. L'espoir d'avoir peut-être une chance de se rendre en Coupe MLS. Requiem pour un rêve. Requiem pour un rêve brisé, détruit, éliminé presque. Mais certes, un rêve mort. L'espoir, tu sais, qu'à un fil, si on regarde un peu la situation, on est honnête un peu, mais l'espoir, il est mort. Bienvenue à Sur la Transversale. Eh oui, je suis Kevin Laramé. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux en commercial Kev Laramé. Ça, c'est K-E-V-L-A-R-A-M-E-E. Grosse défaite ce soir pour l'Impact de Montréal. Quatrième défaite de suite ce soir aux mains d'une équipe d'expansion. Neuvième dans la conférence de l'Ouest, Minnesota United. Mieux connu sous le nom des Loons, les Huards. Mais les Huards, ils ont eu le dernier mot ce soir. Ils ont eu le dernier rire ce soir. Les Huards sont partis avec 3 points, mais surtout, ils sont envolés avec l'espoir des fans montréalais. Le désarroi dans le stade lorsque le troisième but de Minnesota était marqué en fin de match, c'est à ce moment-là que l'espoir est mort. C'est à ce moment-là que le monde a commencé à réaliser que, ouais, il en reste 6. 2 contre Toronto, Atlanta, à la maison d'Atlanta, le nouveau stade, au Mercedes-Benz Stadium. Presque 70 000 personnes aujourd'hui à Atlanta. Un nouveau record pour un match. Record d'affluence, d'audience pour l'Atlanta United. Mais on va parler de l'autre Atlanta. L'autre United, je veux dire, Minnesota. Et oui, Minnesota est venu à Montréal et est reparti avec l'espoir des fans de faire les séries. L'espoir de peut-être revoir une autre finale de conférence de l'Est Montréal-Toronto. L'espoir d'avoir peut-être une fin de saison qui va nous amener avec un momentum en série pour recommencer l'aventure automnale de l'année dernière. Mais non. Si l'Impact rentre des séries, c'est par la porte en arrière. Si l'Impact rentre dans les séries, c'est pas juste à cause que l'Impact aura fini avec plusieurs victoires, mais surtout que les équipes comme la Nouvelle-Angleterre, qui évidemment aujourd'hui ont perdu et se retrouvent un point toujours derrière l'Impact de Montréal en 8e position, l'Impact est 7e, New York Red Bulls en 6e avec 41, et on se retrouve ensuite avec Columbus et Atlanta continue. Atlanta-Orlando 1-1 aujourd'hui à Atlanta. Encore une fois, si vous n'avez pas vu les images, je vous invite à chercher sur les réseaux sociaux hashtag OTL, vous allez voir tout ce qu'il vous faut. Impressionnant, 70 000, c'est bruyant, c'est grand, c'est beau. Le stade, la manière qu'il est construit, les estrades sont quasiment sur le terrain. Et c'est quelque chose qui me donne les frissons juste à la regarder. J'ai hâte de pouvoir visiter le stade dans les prochaines années. Mais impressionnant, Atlanta, cette année. En plus aussi, Atlanta je sais pas pourquoi je commence à parler d'Atlanta. C'est impressionné sûrement d'aujourd'hui, là, même si c'était Minnesota-Montréal et l'espoir est mort. Et c'est un requiem pour un rêve qui, finalement, Nacho Piatti, Coupe MLS, ça dépend. Contre l'année dernière et la prochaine, il n'est pas signé encore. Le rêve, c'est ça. C'est ça le rêve qui devient un rêve inachevé, qui devient un espoir mort. Un espoir. C'est un espoir, puis il est mort. Donc, quand on regarde la situation, là, je reviendrai sur Atlanta un petit peu plus tard parce qu'on parlait du classement puis je vous raconterai quelques anecdotes sur Atlanta. Mais ce soir, Minnesota-Montréal au Stade Saputo. Le match Montréal a mieux joué que le résultat pourrait l'indiquer. Mais c'est un match dont on a vu deux penalties. un de chaque côté, un raté, un marqué. Minnesota a fini le sien. Piatti, ben, il a télégraphié le sien. Shuttleworth. Bon match encore pour Shuttleworth. Shuttleworth qui a eu un match difficile contre Vancouver, pas nécessairement sur le plan du résultat, mais sur le plan physique. Grosse collision lors du match contre Vancouver, plutôt cette semaine, pour Bobby Shuttleworth. Et il est un cas du tout, à mon esprit, pour le match de ce soir, mais non. C'était pas écrit dans. C'était pas voulu. C'était pas fait pour arriver. C'était pas destiné. Shuttleworth était fait pour être là et arrêter le penalty de Piatti. Donc, ça aurait vraiment changé tout le match si l'Impact avait vraiment capitalisé sur leur chance qu'ils ont eu. Reprise vidéo d'un ballon qui a touché une main dans la boîte. La reprise vidéo a été appelée en renfort. Et pour la première fois au Stade Saputo, on avait eu recours et un résultat dû à la reprise vidéo. Mais Nacho Piatti n'a pas réussi à marquer sur le penalty. C'est en suivi quelques minutes plus tard le but égalisateur d'Atlanta. Et l'énergie est partie du stade. Le momentum et les quelques actions positives que l'Impact avait fait dans les 15 premières minutes, 20 même, ben sont écroulées lorsque Minnesota a marqué. Donc Minnesota a marqué leur but égalisateur en première demi à la 20e minute. Donc, durant les 20 premières minutes, c'est là qu'on a vu Montréal bien jouer. Le but Patrice Bernier, bon pour le capitaine, son 14e but en MLS depuis son arrivée en 2012. Son premier de la saison. Une volée! Non, il ne l'a pas mangé. Il l'a marqué. Volée de la droite. Patrice qui a repris le tir manqué de Blérim qui est devenu une passe finalement. Et Patrice Bernier a réussi à le finir à la volée dans le coin droit. Juste à côté, d'où ce que grand-mère garde les biscuits, comme on pourrait dire. Mais, à la 20e minute, même chose qui est arrivée, mais de l'autre côté, main dans la boîte pour l'Impact, Kevin Molineau, au point de penalty, marque le sien. Et on va revenir un petit peu plus tard sur Kevin Molineau, qui a joué un rôle dans les escarmouches d'après-match, comme on pourrait dire, si ce n'est pas quand même un petit scrap. Worldstarhiphop.com, ça ne serait pas surpris de voir ça. Peut-être un jour là-dessus, mais non, ça peut-être pas aussi pire. Là. Mais il y a eu de la bousculade, quelques coups lancés. Et on va voir s'il n'y aura pas des suspensions plus tard. Je ne serais pas surpris. L'arbitre en chef ce soir, Ted Rangel, a passé plusieurs longues minutes. Non, la minute n'était pas plus longue que 60 secondes, mais il y avait plusieurs collées une après l'autre. Donc ça fait que c'était long. Il a passé du temps à regarder la vidéo, la reprise vidéo, la boîte qui est au centre du terrain. Côté adverse des bancs des joueurs, a passé un bon 10 minutes à regarder les escarmouches d'après-match et à prendre des notes. On va avoir plus de détails dans ce rapport d'après-match. L'arbitre a sûrement écrit en détail. Le comité de discipline de la Major League Soccer pourra nous en dire plus. Probablement lundi, mais mardi, officiellement, nous allons recevoir les étendues du dommage fait par les escarmouches d'après-match du côté de l'Impact et du côté de Minnesota. Mais je serais pas plus surpris si seulement du côté de l'Impact. Victor Cabrera ne serait pas surpris de voir Victor Cabrera suspendu. On verra pour Kevin Molineau, qui est le petit torieux qui a arrosé Cabrera. Cabrera, t'es déjà, comme on dit, échauffé. T'es déjà pas content. Les dernières minutes de Romero et de Cabrera ont été très physiques sur le terrain. Tacle un peu douteux, un petit peu trop physique envers les autres joueurs et quelques joueurs qui ont peut-être pris exception du côté de Minnesota, qui a peut-être lancé quelques paroles d'un côté comme de l'autre lorsque le dernier sifflet s'est fait entendre. Et on a vu ensuite quelques escarmouches. Kevin Molineau est passé à côté avec sa bouteille d'eau. Puis pouf, il a arrosé le pistorieux. Arrosé Cabrera aussi. Ça n'a pas aidé. Ça a comme attisé l'étincelle un peu. Et on s'est retrouvé avec une escarmouche. Les bases sont vidées. La sécurité est rentrée. Ça a pris la sécurité sur le terrain du Stade Saputo pour séparer le tout et ramener le calme sur le terrain après le match. Mais ça a été des scènes un peu honteuse, on doit l'avouer, du côté de Victor Cabrera. Donc, soyez pas surpris, c'est Victor Cabrera et peut-être même un peu Romero, les deux joueurs probablement le plus impliqués dans les escarmouches d'après-match du côté de Montréal. Anandi, du côté de Minnesota, était un des joueurs qui a peut-être parlé un petit peu, même chose pour Kevin Molineau. Et on verra si c'était vraiment assez pour se valoir une suspension du côté du Minnesota United, j'en doute. Mais je ne serais pas surpris de voir Victor Cabrera décoper d'au moins un match, si ce n'est pas plus de suspension. Donc, on revient au match. Blérim Dzemali, il a passé proche. Il voulait vraiment marquer, même un petit peu trop. Quelques minutes avant qu'il marque son but, Salazar est tout seul à la droite. Verim s'en vient, l'espace devant lui, mais Salazar est tout seul, un corridor incroyablement grand devant lui. Ça se dit mal, mais c'est pas grave. Et Blérim a décidé de prendre une autre touche, de tirer. Tir bloqué, un coup de poing, un coup de coin. J'ai écouté Golovkin, c'est pour ça que coup de poing, coup de pied de coin, c'est pas mal proche. Coup de coin. Qui est coup de coin. Coup de coin, on va appeler ça de même. C'est pas un corner, c'est pas un coup de pied de coin, c'est un coup de coin. Fait que le coup de coin n'a pas été dangereux. Mais l'idée de passer à Salazar qui aurait été tout seul, ça aurait peut-être créé des chances. Mais éventuellement, c'était dû. Ben là, on s'est retrouvé dans les pieds de Salazar. Salazar le centré à Blérim. Blérim au premier poteau. Un bon petit tir. Un petit roulant vite à droite. Et Blérim redonnait les vents à Montréal. Mais c'était pas fait pour durer. Quelques minutes plus tard, seulement 5 pour être précis, nul autre que Superman, mieux connu sous le nom de Christian Ramirez, a marqué. Et c'est égal, encore une fois, 2-2. Mais c'était pas dû. 89 minutes, on parlait à bout de Donladi. Un très beau but, effectif Finley. Il y avait des corridors d'ouvert à droite, à gauche, surtout au milieu, mais pas mal partout dans l'offensive montréalaise en fin de match. Le retrait de Salazar a enlevé toute chance à l'Impact de créer des opportunités. Ce qui nous amène à la question de profondeur. Ce qui nous amène à la question de l'année. Selon moi, c'est pas la question, c'est la réponse. Pourquoi l'Impact ne fera probablement pas. Je suis d'accord probablement parce que je leur donne une petite chance, mais la petite chance, c'est comme le fameux 1% que Dwayne parle toujours à Soccer Today. 1% des chances que l'Impact aura les séries. Mathématiquement, c'est peut-être un petit peu plus que ça, mais si on est un peu logique et regarde la logique, ça marche pas toujours en MLS, mais on va l'utiliser et on va regarder le classement dans quelques minutes. Mais si on regarde pour terminer le match, la profondeur de l'Impact, les options offensives sur le banc étaient presque nulles dû à la blessure de Mancosu. Oduro était pas en uniforme. On se retrouvait avec un banc qui était pas mal dépourvu d'options offensives. Seulement 2 changements ont été effectués par Mauro Biello ce soir. Un match que l'Impact se devait de gagner et d'avoir un résultat, l'Impact a laissé une substitution disponible. Ce qui parle et prouve encore une fois le manque de profondeur de l'Impact, et c'est ce qui a coûté la saison à l'Impact de Montréal, à mon opinion. Si on regarde honnêtement le 11 de choix de Mauro Biello pour commencer la majorité des matchs, digne n'importe quelle bonne équipe de la Ligue. Un Piatti, Dimali, Bernier, Piet, un Mancosu en forme, un Donadel qui jouait comme en 2015 ou comme en Syrie l'année passée. Un Bernard Delour motivé. Un Mancosu motivé. On parle d'une toute autre saison. C'est lorsqu'on arrive dans les durs moments où un Laurent Simon part en équipe nationale. Un Samuel Piet, Patrice Bernier, Anthony Jackson-Hamel jusqu'à un moment donné cette année sont partis en équipe nationale. Un Dimali part en équipe nationale. Une bien belle chance que Nacho Piatti ne fait pas partie des plans de l'Argentine parce que l'Impact, ça sera retrouvé dans le trouble cette année. Donc, on regarde tout ça et c'est ce qui a coûté la saison de l'Impact. On regarde les équipes en haut du classement. Ils ont un 11 de choix qui est vraiment probablement pas nécessairement égal à Montréal. Montréal, si c'est pas des blessures et des joueurs qui quittent pour leur devoir international. Merci, professeur. C'est pas de ça. L'Impact est une équipe pour rivaliser avec le reste de la Ligue. Mais c'est assez long de saison. Il y a des blessures. Il y a 3-4 matchs en 8 jours, 5 jours, 15 jours, 20 jours, 10 jours. Ça prend plus que 11. C'est là que l'Impact s'est retrouvé dans le trouble cette année. Blessure à Piatti. En même temps que Dimali n'était pas toujours arrivé, ça coûtait des victoires. Les joueurs partis en équipe nationale, ça a coûté des buts aussi. On parle de justement, pas plus longtemps que le 2 semaines. Mais les buts d'Anthony Jackson-Hamel, but de passe qu'il avait au Canada, rajoutent des. Ok, je sais que c'est pelleté des nuages, là. Mais hypothétiquement, ce but et cette passe-là avec l'Impact de Montréal, l'Impact gagne ce match-là, boum, c'est fini contre Chicago, là. 3 points de plus, on n'est pas dans la même situation, là. On rajoute ça peut-être deux, trois fois cette année avec les autres joueurs. L'impact est qualifié pour les séries. Là. Donc, la profondeur. Les plans. Pas les flancs. Les plans. Faire un plan, savoir quand les joueurs quittent en devoirs internationaux et avoir les remplaçants nécessaires pour les remplacer. Mais c'est ce qui a manqué avec l'impact cette année. Oui, l'impact est allé chercher Dimali. Oui, l'impact est allé chercher Piet. Mais c'est l'hiver dernier que le magasinage n'a pas nécessairement été fructueux. Et on va voir dans les prochains mois s'il y aura des repercussions au niveau de qui est employé dans les bureaux de l'Impact de Montréal. Côté directeur technique, côté... peu importe. Est-ce qu'une saison comme celle-là est digne d'avoir des répercussions? Est-ce que le statu quo peut continuer? Le stade était plein ce soir, 20 801 spectateurs qui sont sortis déçus et fâchés. Plusieurs spectateurs en quittant le stade devant moi, j'étais sur le galerie de presse, en quittant le stade devant moi sur la passerelle, juste devant moi, là, un pied, là, direct comme je vous parle, là, criaient « Biello out! Nouveau coach! Ça n'a pas de bon sens! » Et ça, c'est seulement ce que je peux dire à la radio présentement. Il y avait plusieurs bip et blip et mots qui commencent par T, par S puis par F entre tout ça. Le sentiment des spectateurs en quittant le stade Saputo ce soir, c'était pas un sentiment de ah, ben on a passé proche puis on va s'en revenir. Non, c'était de je me suis fait embarquer encore une fois. Là. On a passé proche puis on aurait dû faire mieux avec ce qu'on a. Mais malheureusement, la profondeur. La dureté du mental, non, la dureté du calendrier, la difficulté du calendrier en Major League Soccer a coûté la saison à l'Impact de Montréal. On va avoir le temps, amplement le temps, si c'est continué comme ça, d'en parler durant la saison morte. Comment améliorer la profondeur? Comment se rendre plus proche peut-être du plafond salarial? Comment utiliser GAM, TAM, PIC et Calligram et tous les outils nécessaires et surtout disponibles pour bien monter sa formation. On discutera ce que Montréal a devant eux et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour l'année prochaine. Piatti n'est pas seulement officiellement signé encore, il n'y a pas seulement une entente de principe. Il y avait une rumeur il y a quelques jours qu'il y avait une entente de principe entre Piatti et l'Impact. Mais une chose qu'on ne doit pas oublier, l'Impact est présentement en renouvellement de saison, en campagne de renouvellement de billets de saison. L'annonce l'hypothétique annonce, là, du signature de contrat de Nacho Piatti. Ça l'aiderait grandement à la vente de billets de saison. Donc, soyez certains que s'il y a signature et entente, l'Impact de Montréal va être le premier à l'annoncer. Ils n'attendront pas de sortir la nouvelle quand le moment va être bon. Le moment, il est bon. Le moment était bon pour les deux semaines. Donc, je ne suis pas nécessairement inquiet parce qu'on entend moins parler. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles souvent en négociation de contrat durant une saison. Mais ça nous amène à les 4 matchs, 4 contre 4, les 4 derniers matchs, puis les 4 matchs avant les 4 derniers matchs. 4 victoires, 4 défaites, Piatti pendant les 4 victoires est en négociation ouverte, médialement, c'est pas ça n'existe pas ce mot-là. Hein. Donc, en négociation ouverte dans les médias, en disant qu'il serait peut-être pas là, donc appréciez-moi pendant que je suis là, dans le fond. Ce qu'il mentionnait, puis il disait, c'est le fun d'être ici, puis regardez les buts, je marche, puis je suis bien content, je vais être ici, je suis peut-être pas là l'année prochaine, c'est entre mon agent et l'Impact. Mais on entend moins, là. Mais Nacho est moins productif aussi, là. L'effort est là, oui. Un petit peu moins de service. Un petit peu moins de chance. C'est tard dans la saison pour les autres équipes, donc la pression sur le ballon, constante. Moins de chance. Il laisse tout sur le terrain, donc ça laisse moins de place à Nacho d'être productif. Donc, tout ça mis ensemble, ça fait que l'Impact, mais ça se trouve dans une situation très difficile. On va écouter les commentaires d'après-match de Mauro Biello, suivi de Patrice Bernier, Samuel Piet, Laurent Simon et Evan Bush. Et on revient pour écouter la traduction des propos de Evan Bush. Mais on commence encore une fois avec l'entraîneur, le coach, Mauro Biello. Comment cette défaite-là combinait sur toi? Décevant. Un match qu'on ne devait pas perdre. une performance vraiment inacceptable. Je pense que première demi, on a bien commencé, on a eu des occasions, on a compté le but et puis on manque le penalty et puis après ça, on a oublié à défendre. Au milieu de terrain, il y avait une autoroute en première demi qui allait en défense, on ne défendait pas, on n'était pas agressif, on perdait les duels. Je pense qu'on a gagné 10 duels en première demi. C'est pas assez. Et puis, à la fin, on revient dans le match et puis encore une fois, on donne un but qui ne doit jamais arriver, jamais. Et à la fin, on ne pouvait pas finir. On ne pouvait pas finir nos actions. Ça fait deux matchs que ça finit un peu dans la... sans dire la bagarre, mais que ça finit un peu de façon furieuse. Est-ce que tu sens que tes joueurs sont de plus en plus frustrés au courant des matchs? Oui, ils sont frustrés. Je pense que il y a beaucoup d'émotions dans un match et de perdre de cette manière, encore une fois, les joueurs ils sont frustrés et ça arrive des choses comme ça en fin de match. Qu'est-ce que tu peux dire aux joueurs pour qu'ils gardent la foi, gardent la confiance après une défaite comme celle-là, dans deux matchs difficiles cette semaine? Oui, c'est difficile parce que celle-là, c'était important pour nous. Et il nous reste des matchs et maintenant, ça va être encore plus difficile sur la route. À la fin, de jouer de cette manière, c'est inacceptable. Tu ne peux pas défendre comme ça. On pensait que ça allait être facile après le premier but. Et puis, on a oublié comment défendre. Ça c'est inacceptable. Maintenant, les joueurs qui vont travailler, qui vont courir, ils vont jouer. Parce que c'est pas assez. Notre équipe avait rien. Il n'y avait rien. Ils ont descendu deux ou trois fois et ont compté trois buts. Coach, the first 15, 20 minutes were solid. It was a nice start for you guys, but when did this game change in your mind? Yeah, I think we started off the game well, and you know, we came out, we high pressed them, we won a lot of balls, we were able to score early, we got the penalty shot, we weren't able to capitalize, and then we gave a penalty shot to them. They got back in the game. And after that point, it was as if we were making mistakes. We weren't, we weren't defending well in the middle. We weren't defending well, winning our battles. And at that point, they started to grow in the game. At halftime, we came back strong in the second half, and were able to score and take the lead. And then a lack of concentration on the set piece, and they tied the game. So, in the end, it's frustrating that the outcome. But if we want to be in the playoffs, you can't perform like that at home. What disappointed you most about the performance? Well, there's, you can't take three goals, that's for sure, at home. Tonight we felt that we were going to be able to push and press a little more and win back balls and go at them. And this was a team that played its third game in a week flying from Vancouver, so there's no excuses. But in different moments, we couldn't keep up with the pace in the first half, and we let them back in the game. Well, Salo Crafted, a lot of fans are going home wondering what the heck happened. What do you say to them? How do you explain what happened? Yeah, look, I think we pushed. We pushed for the winner. We took the lead twice. In the end, you can't give up goals that easy, especially not at home. And in the end, we paid for it. We were pushing. We wanted to get the win. The guy scores, Lottie scores the third goal there. And they're disappointed. Everybody's disappointed. And right now, it's not good enough. And, we got a mountain to climb from here to the end of the season. What's the main message you need to get across to your team now, whether it's tonight or the next time you address them? What's the main message for them? Well, the message is you gotta perform. Everybody's got a responsibility. You get paid to play, and that's what it is. Perform every day in training, perform in the game, work hard, and that's the message from here on in. Est-ce que vous y croyez encore? Le match le plus probable que vous aviez dans les prochains matchs, c'était celui-là, là, vous en allez à Toronto. Est-ce que ça doit être difficile d'y croire, objectivement? Tout est possible. On a vu des choses dans cette ligue. Tout est possible. C'est décevant qu'on a perdu ce soir, mais tout est possible. Mauro, comment t'expliques, avec un groupe aussi expérimenté qui a quand même du talent, ce manque d'exécution au cours des derniers matchs, mais surtout le manque de passion qu'on a pu remarquer dans des matchs aussi importants, qui est palpable, comment tu rationalises tout ça? Je pense que la passion était là. Je pense qu'ils ont donné tout pour compter le troisième but. Je pense qu'ils ont poussé, on a créé des occasions, il y avait des chances qu'on devait compter. Et puis, je pense que cette petite qualité, soit en défense ou en attaque, qui nous manque un peu maintenant, de faire des jeux importants dans des moments clés. Et c'est ça qui nous fait mal maintenant. On a eu d'autres occasions. Mais dès qu'ils ont marqué, là, on a été anéanti, surtout en premier temps. On a bien répondu en deuxième. On a été dans un match où peut-être qu'on a voulu trop faire, peut-être qu'on n'a pas fait assez, peut-être que là on est tombé dans le doute. Et puis voilà, on perd 3-2 et donc on perd notre match à domicile. Il reste 6 matchs. Il y a toujours une possibilité mathématique, donc il faut toujours croire à ça. Mais c'est difficile parce qu'on perd à domicile. Donc c'est une équipe qu'on, pour moi, était prenable et qu'on aurait pu sortir avec 3 points. Comment t'expliques le relâchement après le premier but? Ah non, je dirais qu'après le premier but, c'est surtout dès qu'on a pris le but. Clairement, oui, bon, il y a eu un pénalty qui était un bord, puis un de l'autre bord, mais on ne pouvait pas arrêter. Donc, c'est sûr, c'est la période dans laquelle on était parce qu'on avait perdu. Mais on a été pas mal décousus, chaque gars par soi-même. On a bien répondu parce qu'on est revenu en deuxième mi-temps, puis on a marqué. Ça nous donnait vie, mais là, on a pris notre but. Puis, c'est la période où parce qu'on est un peu dans une période où on est fragile. Mais bon, il y a 6 matchs. Comme j'ai dit, je suis toujours optimiste, donc mathématiquement, il y a des possibilités, mais bon, c'est difficile. Est-ce que de partir à Toronto présentement et affronter la meilleure formation de la MLS, c'est pas peut-être le meilleur remède d'aller battre la meilleure écoute, formation? C'est Toronto, donc peu importe qu'ils soient en première place, on s'en va là. Mais oui, clairement, c'est une équipe qu'on va. On sait ce qui est arrivé le match à domicile. Il faut aller là-bas avec la même âme, la même volonté de voir battre Toronto, peu importe qu'ils sont premiers, et d'accrocher quelque chose et de démontrer ce qu'on est capable de faire. On le démontre par moment, mais pas assez sur 90 minutes. Mais mercredi, un match, on s'en va à Toronto et on s'en va là pour aller un peu casser leur partie de leur séquence qu'ils sont et d'essayer de créer une séquence pour nous avec la fin de saison. Le fait que les deux derniers matchs sont terminés un peu dans le silence, est-ce que c'est symptomatique de quelque chose? Ah, écoute, quand tu perds, c'est fragile ton état d'âme de vainqueur. Parce que tu gagnes, tu es positif, mais dès que tu prends un but, tu tombes sur les talons parce que tu sais ce qui est déjà arrivé dans le passé. Donc, c'est difficile. Ouais. Écoute, je ne vais pas le cacher, mais bon, il y a 6 matchs. Il faut aller les jouer, il faut aller les gagner. C'est mathématiquement, c'est très difficile. Mais on va pouvoir y aller. On va y aller à mercredi avec un état d'âme de gars qui vont. On va se présenter pour aller chercher un match et casser la séquence de Toronto et essayer de créer quelque chose qui va donner un moindre positif dans le cadre après-coup. Merci, Pablo. Sam, un autre match, une autre finale, dans le fond, peut-être la dernière, là, et là, une autre performance insuffisante pour aller accrocher le résultat espéré. Comment t'expliques ça, ce manque d'exécution qui mène à votre perte, finalement, depuis trop de matchs? Ah, c'est dur, c'est sûr. On a eu quelques chances, surtout à la fin de match. On n'a pas réussi à mettre la balle dedans. Soit, des fois, ça rentre, des fois, ça rentre pas. Là, on est dans une séquence que ça marche pas trop, que ça veut pas trop rentrer. Donc, c'est dur, surtout ici à la maison, que, comme tu dis, qui était une finale pour nous. Là. C'était peut-être le match le plus prenable pour un bout qu'il y avait à soi. Les 3 prochains matchs, c'est contre 3 équipes dans les séries. 2 à l'étranger, ça va être objectivement difficile d'y croire. Il faut être réaliste, c'est ça. C'est sûr. On sait que ça va être très, très difficile. Là, justement, ça va à Toronto. Première équipe dans la ligue, mais c'est Toronto. Ça fait toujours des matchs excitants, puis ça peut d'aller de n'importe quel côté. Il faut qu'on se concentre sur ce match-là. Là. Il reste 6 matchs. C'est mathématiquement possible. Très difficile, c'est sûr. Mais si on n'y croit pas, personne ne peut faire d'autre. Personne ne peut faire ça pour nous. Donc, faut y aller et tout donner. Là. T'expliques comment que, après vos 2 buts, on dirait que vous n'avez pas été capable de profiter de ce spark-là pour les distancer? Ben, je crois que les 2 buts qu'on a pris, même le dernier, c'est des buts qui sortent d'un peu de nulle part. Là. C'est sur un penalty, c'est dur à argumenter sur ça. Deuxième but, un coup franc, un peu de une petite mêlée dans la boîte. Je crois que c'est des buts qu'on s'entendait pas trop à prendre, qu'on aurait pu éviter. Mais bon, à la fin, on a attaqué sur beaucoup. Puis quand tu attaques, des fois, tu négliges un peu la défense, puis on s'est fait prendre. Donc, c'est des choses qui arrivent. Lequel des deux pénalités a fait le plus mal? Celui raté par Nacho ou celui qu'eux ont marqué comme 5 minutes après? Parce qu'après ça, vous êtes tombé plat pendant un certain moment. Je pense que c'est une combinaison des deux. Le fait de ne pas marquer, c'est sûr qu'à 2-0, après, je pense que c'était 10-15 minutes, ça change le match. Puis tout de suite, de s'en prendre un, égaliser un, surtout que je crois qu'on dominait en début de match, ça change la donne. C'est sûr qu'on a eu un petit down pendant quelques moments. Puis on s'est regroupé un peu, puis on est ressorti fort en deuxième demi, mais je crois que c'est une combinaison des deux, là. Si on regarde, Samuel, 4 défaites de suite, 4 victoires avant ça, les marges entre victoire et défaite, c'est très petit en MLS. C'est quelque chose qui te surprend un peu? On m'avait averti, c'est sûr que j'en parlais tantôt avec Max à la maison, avec Blérim, pardon, à la maison, à l'extérieur, premier, dernier, tout peut se passer dans cette ligue-là. Fait que non, c'est sûr qu'on est déçus, on n'est pas surpris, mais on croyait qu'on pouvait sortir gagnant de ce match-là, mais dans cette ligue-là, tout peut arriver, puis c'est le meilleur exemple. Donc, c'est ça. Ouais. Laurent Simon. Écoute, la question est assez simple, mais comment expliquer ce revers-là de Minnesota ce soir? J'ai du mal moi-même à vous dire comment ça s'est passé. Je pense qu'on a débuté le match correctement, très bien. En faisant circuler le ballon, en mettant du pressing vers l'avant. Après, on a pris les devants 1-0, on a failli mettre le deuxième. Voilà, le gardien a fait l'arrêt sur le penalty. Et après, voilà, touché en boule de l'autre côté, on a du mal à faire circuler le ballon, on est trop lent avec la balle, pas de mouvement sans ballon, et après ça devient compliqué. Puis voilà, à la mi-temps, on s'est fait remonter les bretelles comme il se devait, et on est reparti du bon pied en deuxième, et malheureusement, à la fin, on veut pousser, puis on prend ce troisième, et c'est frustrant. Voilà, on devait être gagné aujourd'hui, on l'a pas fait, c'est notre faute. Quand tu regardes les matchs qui s'en viennent, Toronto mercredi, après ça il y a Atlanta, après ça il y a NYCFC, est-ce qu'il y a encore des chances d'y croire aux séries éliminatoires? Est-ce que ces mots-là, on peut encore les prononcer? Ben ouais, mathématiquement c'est possible. Après c'est sûr qu'on n'a pas fait le travail aujourd'hui, on devait prendre les 3 points, on n'a pas fait, donc ça il faut l'assumer, il ne faut pas se cacher derrière quoi que ce soit, c'est tout. On devait prendre les 3 points aujourd'hui, on ne l'a pas fait. C'est de notre faute, simplement. Laurent, on regarde parfois, vous semblez être perdu sur le terrain dans quelques séquences, c'est intermittent. Dans l'exécution, c'est difficile, puis ça date depuis 4 matchs environ. Est-ce qu'il y a une cassure entre le message des entraîneurs et les joueurs, ou c'est vraiment juste une question sur le terrain? Non, on travaille à l'entraînement, le message est clair. C'est qu'on a des joueurs pour faire circuler le ballon, on a des joueurs qui sont bons entre les espaces, et voilà, malheureusement, il n'y a pas ce jeu sans ballon, il n'y a pas ces courses vers l'avant. Et, voilà, comme il a dit, à la mi-temps, il n'y avait pas assez de courses, que ce soit vers l'avant ou en repli défensif. Et quand tu ne cours pas dans le football, tu ne gagnes pas. Merci, Laura. Merci, Laura. You know, speaking from a personal standpoint, you can't give up. I mean, there's no sense in doing that. So you come to training every day with the right mindset and the right mentality. And, you know, that comes down to individuals. You know, it's a personal thing that you have to have pride in what you do every day. And it's not just on Saturday when you come to the stadium, it's Monday through Friday. So the way that we're going to approach it, and the way that I can't speak for everybody, but the way I'll approach it is to do the same thing every day. Come to training with the right mindset, right mentality, and work the same way. How do you explain like the defensive roles that have just plagued you guys for over a year? You scored 2 goals at home against one of the worst teams in the league that played Wednesday, traveled across the country. How is 2 goals not enough? Let's see. The first one was a penalty, so that's not a defensive issue. That's you know, the first two, I should say, come off set pieces where we don't react well enough in the second balls, and they punish us. And then third one, when you're chasing the game, and you know, it's kind of like the Columbus game early in the season where you're trying to chase for that third goal, and they get it first. So. I don't know, we'll sit down and look at what exactly happened, but it's hard to pinpoint right now. You were talking about when some guys went to work. I didn't say that. Well, I didn't say that. Don't put words in my mouth. Don't say that. about pride? I didn't say anything about anybody else. Don't do that. Sometimes in the past three games, you guys seem lost on the pitch, you know, for moments. Is the message from the coaching staff clear and going through the players right now, or is it breaking somewhere, or is it purely and exclusively the execution that's lacking? Well, I think it's pretty clear. You know, I think that the staff puts in a lot of time. Out of all the staffs that have been here while I've been here, this staff puts in the most time, the most hours for sure. And you know, I think the message is clear. It's I think we get frustrated too easily when things don't go perfect. You know, and we get up 1-0, things are going well. We get a penalty to go up 2-0. We don't convert it, and then we feel bad for ourselves. And you know, then the game gets stretched, and at times, you know, guys and maybe are trying to do a little bit too much because of the situation that we're in. So I think it does come down more to executing and singular moments like that than anything else. So, you know, I think the message has been clear. Thanks, Evan. Merci à Mauro Biello, Patrice Bernier, Samuel Piet, Laurent Simon et Evan Bush. On va revenir sur les commentaires de Evan Bush parlait, il faut continuer d'avoir la bonne mentalité. Donc, c'est pas seulement le jour du match, mais c'est du lundi au vendredi aussi. Tous les jours, on se présente au boulot avec la bonne mentalité. On fait notre travail. Il parlait aussi que chaque personne doit garder sa fierté aussi lorsqu'on arrive. Et il parlait d'éthique, et c'est ce qui est important. Dans son cas, évidemment. Il expliquait ensuite les différents buts. Donc, le premier but, c'est un penalty, évidemment. Le deuxième but, ils sont fait punir sur la pièce de jeu arrêtée, comme mentionnait Evan Bush. Et pour terminer, bon, l'impact était en train de chasser le match. Pas chasser, l'éloigner, mais poursuivre le match. Traquer le match. Ils se sont fait avoir. Minnesota a marqué. Et il mentionnait qu'ils vont s'asseoir, vont voir ce qu'il y a mal été, mais que c'est dur à trouver où ça a mal tourné. De pinpoint, comme on pourrait dire. Donc, de trouver le moment où ce que tout a changé. Donc, encore une fois, merci pour les commentaires d'après-match. Mauro Biello, Patrice Bernier, Samuel Piet, Laurent Simon et Evan Bush. On parlait du classement un peu plus tôt. On va regarder en détail le classement et ensuite le calendrier de l'Impact de Montréal pour les prochaines semaines, et on reviendra la semaine prochaine avec un regard en détail sur le calendrier des autres équipes impliquées avec l'Impact de Montréal dans la chasse aux séries éliminatoires. L'Impact 7e au classement. On va commencer avec la Révolution de la Nouvelle-Angleterre en 8e. On peut dire Orlando aussi en 9e, 35 points en 29 matchs joués. La Révolution de la Nouvelle-Angleterre 8e, 29 points aussi. 35 points seulement, excusez, 29 matchs joués. L'Impact de Montréal, 7e, 36 matchs joués. Non, 36 points. Non, je suis inversé dans le classement, désolé. 36 points, 28 matchs joués. Maintenant, ça commence à être important. Les Red Bulls de New York sont 6e. Ils ont 41 points en 27 matchs. Donc, un match en main sur l'Impact de Montréal et 5 points devant. Atlanta United qui a établi aujourd'hui le record pour un match, le record d'assistance, avec presque aux alentours de 70 000 personnes au Mercedes-Benz Stadium. 43 points en 5e position avec 3 matchs en main sur Columbus en avant 2. Le grimpement, l'ascension au classement d'Atlanta va continuer dans les prochaines semaines. Soyez pas surpris. En 4e position, on a le Crew de Columbus avec 44 points, 30 matchs joués. Par contre, le Crew pourrait descendre au classement si les choses continuent. Il pourrait se retrouver en 6e position et se retrouver l'équipe que l'Impact se devra de croiser les doigts et d'espérer qu'ils perdent beaucoup de matchs d'ici la fin de la saison. Le Fire de Chicago, 3e avec 48 points, 29 matchs joués. Le New York City FC, l'adversaire de l'Impact de Montréal dans 10 jours, le 27. 51 points en 29 matchs. Et les meneurs de la Ligue entière, les rivaux, l'autre bord de la 20, puis de la 401. Les gros méchants, Toronto FC. 62 points en 29 matchs. Une moyenne de points par rencontre de 2.14. 18 victoires, 3 défaites. 3 défaites. L'équipe qui a le plus proche nombre de défaites de 3, c'est New York City avec 8. Ils ont 5 défaites de différence. Posez-vous pas de questions. Et 8 matchs nuls pour le Toronto FC. Le Toronto FC pourrait gagner le bouclier des supporters, mieux connu sous le nom du Supporter Shield, dans les prochaines semaines, dans les 2 prochains matchs, si tout va bien, même le prochain peut-être, mais sûrement la semaine d'après. Donc, ça sera peut-être pas contre l'Impact, mais d'ici 2 matchs, le Toronto FC pourra se déclarer gagnant du bouclier des supporters. Donc, on revient à l'Impact, 36 points. On parlait souvent du 51 points, mais ça va peut-être être un petit peu moins que ça pour faire les séries. Mettons un 46, là. 45, 46, 46 points, là, l'Impact en manque 10, OK? Ça, ça voudrait dire que soit New York ne fait pas 5 points dans leurs 7 matchs qui restent, ou que Columbus ne fait pas au moins 2 points, ou au moins quelques résultats dans leurs 4 matchs qui restent. Mettons que Columbus gagne juste seulement une, là. On parle de 46, mettons. Fait qu'on va établir la ligne rouge à 47. Donc, mettons 47. 51, ce qui était la moyenne des années précédentes, est peut-être un petit peu haute si on regarde le montant de points présentement. Là. Donc, 47. Ça fait que l'Impact a besoin de 11 points. 11 points, là, mettons, c'est 3 victoires, 2 nuls. 4 victoires te donnent 12 points. OK? Donc, tu as un minimum de 3 victoires, 2 nuls et une défaite, mettons. Donc, ça serait le strict minimum pour faire les séries de l'Impact de Montréal. 3 victoires, 2 nuls, une défaite. Les prochains adversaires de l'Impact. Le Toronto FC, meilleure équipe de la Ligue, le 20 septembre à Toronto. Check. On se retrouve au 24, 4 jours plus tard seulement. À Atlanta, cette fois-là. Devant peut-être au-dessus de 60 000 personnes encore une fois. Peut-être. Un long match difficile. Maintenant, on retourne à la maison. Le 27 septembre, mais 3 jours seulement après le dernier match. Et 7 jours après l'autre, donc 3 matchs en 7 jours. Montréal, à la maison, contre la deuxième et meilleure équipe dans l'Est. Probablement deuxième meilleure équipe dans la Ligue, New York City FC et David Villa. Ensuite, on reprend l'avion seulement 3 jours plus tard. Donc, 4 matchs en 10 jours et on s'en va au Colorado. Moitié du continent à peu près qu'on traverse là. Pour jouer contre, mais au moins, c'est pas nécessairement une équipe. C'est pas la meilleure équipe de l'Ouest. Là. Colorado, présentement, se retrouve dernier dans l'Ouest avec 11 points. 11e, excusez, 26 points. C'est pas nécessairement l'adversaire le plus imposant. Là. Mais c'est quand même le 4e match en 10 jours. Là. Pause de 2 semaines. Merci, bonsoir. Le classement va changer un peu, mais pas pour l'Impact. On se retrouve avec une pause de 2 semaines. Et on se retrouve le 15 octobre, encore une fois, à Toronto. Contre la meilleure équipe de la Ligue, puis à ce point-là, l'équipe va être déclarée championne de la Ligue pour la saison régulière. Donc, le 15 octobre contre Toronto. Maintenant, on finit la saison la semaine d'après, le 22 octobre, au Stade Saputo, contre le Révolution, encore une fois. Donc, en résumé, là, l'Impact joue 4 matchs en 10 jours, 2 semaines de congé, le 15 puis le 22. La saison va être terminée. On va le savoir avant ça, oui. Il y a encore des chances. Mais encore une fois, il faut être réaliste. On joue 2 fois contre la meilleure équipe de la Ligue. On joue contre la deuxième meilleure équipe de l'Ouest, de l'Est. Probablement la deuxième meilleure équipe de la Ligue. Une équipe en feu, littéralement, Atlanta. On va jouer contre une équipe qui, s'ils continuent à avoir les résultats, ils ont perdu aujourd'hui, malheureusement, mais New England, s'il part en peur, c'est encore moins mieux placé que l'Impact. Ils ont seulement 5 matchs qui restent à la saison. L'Impact en a 7. 6, excusez, avec ce soir. Donc, position difficile pour les deux équipes. Donc, le dernier match de la saison pourrait ne rien dire. Et ça pourrait être bien avant ça. Mais une défaite contre Toronto, le 20, mercredi, pourrait être terminal pour l'Impact de Montréal. 1%? Peut-être. Peut-être. Mais quand même, ce soir, on pleure la mort de l'espoir. Et jusqu'à la prochaine fois, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. À commercial Kev Laramé sur Twitter. À commercial K-E-V-L-A-R-A-M-E-E. Ou sur Facebook, Kevin Laramé. Sur la transversale, à commercial sur transversale ou sur Facebook, sur la transversale. Et jusqu'à la prochaine fois, comme d'habitude, je vous souhaite bon soccer.